17:35, activation orale, négation, ne plus. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez 1. Elle faisait du karaté autrefois. Vous répondez oui, mais elle n'en fait plus. 2. Il y avait un boulanger ici autrefois. Oui, mais il n'y en a plus. 3. Il y avait un boucher ici autrefois, non? Si, mais il n'y en a plus. 4. Il y avait un charbonnier ici autrefois. Oui, mais il n'y en a plus. 5. Il y avait un pharmacien ici autrefois. Et oui, mais il n'y en a plus. 6. Il y avait un tailleur ici autrefois. Oui, mais il n'y en a plus. Et depuis longtemps.